Bon, le sujet de la soirée, développer de la cohérence. On va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est de la cohérence, l'origine de la cohérence. Quand vous êtes dans une pensée, vous avez évidemment, originalement, votre pensée, vous avez une vibration. Il n'y a pas de pensée sans vibration. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, c'est pas nous autres qui pensons. C'est qu'on vibre, ça pense, et peut-être que ça agit dépendant, évidemment, de chaque individu dans son registre karmique ou dans son registre de programmation, comment il est capable d'actualiser cette fameuse pensée qui, à l'origine, est une vibration. Donc, c'est très, très important de comprendre que sur la planète, tout est vibration. Vous avez même un livre qui a été écrit là-dessus qui s'appelait « Le secret ». En anglais, « The secret ». Et puis, quand vous avez une lecture de la vibration, bien, il est possible de ne pas penser pour agir. Donc, il y a des gens qui, dans la vie, sont capables de sentir les choses, de ne pas les penser et d'agir sur ce qu'ils vibrent et donc sur ce qu'ils sentent. Mais sentir, non pas dans le sens émotif du terme, mais dans le sens, effectivement, vibratoire du terme. Donc, on se retrouve avec une compréhension de la vibration comme étant la source de la pensée, la source de l'action, la source de l'événement, la source de tout mouvement que les gens disent souvent être ce qu'ils veulent, donc de leur volonté. Donc, ce qui est à l'origine de la volonté, c'est la mise en vibration. Et ce qui est à l'origine de la réalisation aussi de ce que vous avez pensé, ce que vous avez désiré ou voulu, c'est évidemment la vibration encore, parce qu'elle engendre l'événement et l'événement est constitué de ce que vous contenez de la vibration. Ce que vous contenez de la vibration, c'est l'événement, c'est la réalisation. Donc, pas de réalisation s'il n'y a pas contenance de la vibration, puis il n'y a pas de réalisation non plus si vous n'avez pas une bonne lecture de la vibration dans l'action. Et quand on dit pas bonne lecture, ça veut dire que l'ego vient interférer dans la mise en vibration qui est à l'origine de toute forme d'action, de toute forme de réalisation. Elle est biaisée, elle est diffractée. Elle vit une sorte de zone de diffraction qui installe un affaiblissement de la vibration pour trouver son point de contact avec la forme. Avec la forme, c'est aussi l'événement, même s'il est abstrait en soi. Même peu importe la nature de ce que vous voulez, donc dans le « vous voulez », il y a un événement. Donc, pour qu'il soit possible que quelque chose se réalise, il faut qu'il y ait un minimum de diffraction. Donc, on va dire, il faut un maximum de focus, non pas sur la pensée, mais sur la vibration. Tu sais, je pense ici à nos deux bons amis qui viennent de s'acheter une maison. Pour avoir acheté une maison, il faut être en focus. Ce n'est pas juste une question d'avoir de l'argent, c'est aussi avoir un focus. Fait qu'il faut que tu sois mis en vibration, donc il y a un intérêt pour un habitat X. Puis, il faut qu'il y ait une pensée qui formule une sorte d'environnement potentiel. Puis, il faut que dans la pensée, il y ait une faisabilité. Puis, la faisabilité, c'est l'élimination de toute forme de diffraction. Tout ce que tu es capable d'éliminer qui empêche de le vibrer te permet de l'avoir. Vous me suivez? Bon. Donc, si à l'origine, tout est vibratoire, tout ce que vous vibrez est bon. Même le mal. Parce que ça peut demander, quand vous vous mettez en focus, de faire beaucoup de choses qui sont difficiles, qui sont souffrantes, qui sont complexes, qui doivent faire vous passer par des phénomènes associatifs. Tu sais, tu es obligé de faire des contrats quand tu achètes une maison, puis tu es obligé de t'engager sur un long terme quand tu achètes une maison. Peu importe la nature de la réalisation que vous allez avoir à vivre consciemment ou inconsciemment, OK, il va vous falloir être capable d'éliminer tous les jeux de diffraction qui vont atteindre cet objectif-là. OK? Si vous n'avez pas d'objectif, l'événement va être quand même créé par un mouvement vibratoire. Puis plus il y a diffraction par l'ego, donc plus il y a de karma, plus les risques accidentels ou les risques de non-faisabilité où les risques d'obstacles grandissent. OK? Je vous explique la loi du succès, si je peux dire ça de même. Vous vibrez, vous pensez, vous analysez, vous commencez à créer de la diffraction, vous doutez, vous augmentez le registre de diffraction. Puis si le doute devient trop grand, tout ce qui est de mal dans la vibration va se réaliser en premier. Donc, tout obstacle va apparaître sur le doute. Et vous allez avoir, après le doute, à vivre l'affranchissement des diffractions de la vibration, parce que la vibration est toujours là, elle. Puis vous allez avoir à vivre cet affranchissement-là de la diffraction, c'est-à-dire éliminer les blocages, pour que ce qui était à l'origine de la vibration puisse se réaliser comme elle devait se réaliser. Fait que regarde les obstacles que tu as eus quand tu as acheté ta maison, ou ce qu'il a fallu qu'il y ait eu à faire pour arriver à avoir la maison. Puis ça, c'est tout ce qui a bloqué l'origine de la vibration. La vibration étant la source de tout. C'est la monnaie, c'est le capital, c'est la ressource que tout être humain a sur la planète pour pouvoir arriver à ce qu'il veut. Ce qui l'empêche, c'est le doute, c'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est les conflits émotionnels, les conflits intérieurs que l'individu vit, qui créent beaucoup de diffractions et qui empêchent toute forme de réalisation. Vous me suivez? S'il y a des questions, bloquez-moi avant que je m'en aille trop loin. Ça ne me dérange pas de répondre. Je peux faire du montage, moi, là, il n'y a rien là. La diffraction, elle vient seulement de l'ego ou elle peut venir de l'esprit? Elle vient toujours de l'astral. La vibration vient de l'esprit. OK? Et l'esprit est là pour te rendre la vie le plus facile possible. Puis l'astral est là pour te rendre la vie la plus difficile possible. Dans la vibration, il y a tout ce qu'il faut pour faire le bien et tout ce qu'il faut pour faire le mal. C'est une énergie pure qui n'a pas de coloration. OK? Fait que sa fonction, c'est de permettre à ce que de l'intelligence et de la volonté se mêlent ensemble harmonieusement. C'est sa principale fonction de la vibration, c'est ça. Attraire le plus intelligent possible dans la mesure que tu as un maximum de contenance. Volonté égale contenance. OK? Fait que tu as beaucoup de contenance, tu peux avoir beaucoup d'intelligence. Si tu manques d'intelligence, parce que tu manques de contenance. Fait que si, à un moment donné, tu es exposé à trop d'intelligence, bien, tu vas vivre beaucoup de mal pour développer de la contenance. Parce que la contenance se développe par le mal. La volonté étant la résultante d'un combat. OK? Puis l'intelligence étant la résultante d'une compréhension, d'une lecture. Plus tu es habile à lire, plus tu es intelligent, plus tu es habile au combat, plus tu as de la volonté, donc tu as de la contenance. Ce mélange-là, qu'est-ce qui peut créer de la distorsion là-dedans? C'est justement la diffraction, qui est une coloration du rayon premier. Fait que quand tu penses des pensées qui viennent d'un rayon, puis ce rayon-là, ben là, il peut se fragmenter par une attitude réflexive, une attitude de... on va dire coloré, tu es influencé par les autres, tu es influencé par une culture, on va regarder les Arabes, ils ont une culture. Bon, une culture religieuse. Quand tu viens au monde, tu n'es pas religieux. Tu deviens religieux. OK? Fait qu'on pourrait dire que les conditionnements que l'individu reçoit dans son enfance le rend fanatique. Mais tu ne viens pas au monde fanatique. Fait que la vibration rentre, tu as besoin d'une certaine spiritualité, mais tu as un environnement culturel qui crée une diffraction énorme sur l'individu, fait qu'il devient conditionné, puis dans ce conditionnement-là, ben la vibration initiale, elle est diffractée, et puis là, ça engendre les événements qu'on connaît en Afghanistan, puis ça. C'est avec les musulmans qu'on a des problèmes sur la planète, là, tu sais. Fait qu'on a des problèmes avec qui? On a des problèmes avec ceux qui sont les vecteurs d'une croyance. Tu élimines tous ceux qui sont au pilotage de la fameuse croyance, tu viens d'éliminer la guerre. Puis la guerre existe à cause des religions. Il n'y a pas de guerre sur la planète s'il n'y a pas de religion. Parce que c'est une polarité, ça. La polarité la plus abstraite étant la religion, puis la polarité inverse, la plus concrète, c'est la guerre. Parce qu'il faut croyance, il faut une croyance. Il n'y a pas personne qui va aller se faire tuer. Hein. Il faut croire à quelque chose pour aller faire la guerre. Tu me suis? Bon, l'ultime croyance étant les religions. Fait que la guerre existe parce qu'il y a des religions, puis s'il n'y avait plus de religion, il n'y aurait plus de guerre. Parce qu'il n'y aurait plus de croyance. Qu'est-ce que vous avez eu avec Bernard qui vous a dit pendant tant d'années? Bien important de ne pas croire. Pas croire, ça élimine la religion, puis ça élimine la guerre. Ça va ensemble. Les conséquences globales de la vibration de ne pas croire, c'est ça que ça donne. Bon, on se retrouve ensuite avec le fait que vous autres, ça vous intéresse pas la politique, puis ça, vous voulez avoir vos petites affaires, vous voulez savoir comment vous pouvez vouloir un bateau, une auto, un chum qui reste à la maison, toute la patente, là, c'est ça que vous voulez, vous en c'est pas mal, là, de l'aspect cosmique de la chose. Fait qu'on va revenir à quelque chose qui est moins cosmique, puis plus comique. Qu'est-ce que c'est l'émotion, puis qu'est-ce que c'est l'expérience? Bon, c'est du gros karma. C'est sûr que quand vous avez la chance d'aller explorer un petit peu l'astrologie ou ces choses-là, vous pouvez comprendre l'expérience qui vous est donnée à la naissance de vivre par le fait que vous venez du monde de la mort, vous venez du monde astral, par le biais de l'incarnation, et que vous avez, entre guillemets, des contrats qui ont été forgés dans d'autres vies, et puis qui exigent aussi dans ce vie-ci d'être résolus. Bon, la principale polarité qui est le terrain de l'astral, la principale polarité, c'est le couple, c'est la relation homme-femme. Il y a une sorte de volonté, on va dire diabolique, qui a installé une différence dans deux êtres, deux corps différents. Puis dans le deux corps différents, ils ont foutu une charge émotionnelle différente aussi. Tu sais, l'homme a une façon d'émotiver sa vie qui est très différente de la femme. Et ça, dans le but, évidemment, de la procréation, ces choses-là. Puis, ça inclut aussi une expérience de vie différente. T'sais. L'objectif fondamental de l'homme sur la planète, c'est de résoudre des problèmes de survie au niveau du travail. Le problème le plus profond qu'une femme a à régler dans sa vie, c'est de la capacité de générer, fonder une famille, avoir des enfants, etc., etc. Ce qui veut dire que la charge émotionnelle pour s'occuper de l'intérieur, donc de la famille chez la femme, est plus forte que chez l'homme, qui lui a plutôt à défendre les résultantes d'une structure familiale. T'enlèves la structure familiale à l'homme, t'en fais un guerrier qui est sans direction. Il n'a plus de raison de faire la guerre, mais il va faire la guerre parce qu'il est né pour faire la guerre. Puis t'enlèves à la femme l'enfant, elle n'a plus rien à défendre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'elle qui veut détruire la famille parce que la famille, elle n'y croit pas. OK? Mais pour ne pas croire à la famille, il faut avoir été sérieusement diffracté sur le rayon de base. Vous me suivez? Fait que tu as toutes sortes de lignes de la femme qui aime trop, de la femme qui aime plus, avec l'homme qui veut plus prendre de responsabilité, puis de l'autre qui est le super-héros. Vous avez des variations karmiques dans tous les registres, selon les niveaux d'intensité de diffraction qui existent sur la vibration de base. Là, on me dit pourquoi le karma, pourquoi la différence entre l'homme et la femme, etc., etc. Ben, c'est justement, c'est pour avoir une existence dans la forme d'une polarité qui, sur notre planète, fait partie de l'expérience qu'on dit humaine. OK? C'est sûr que sur d'autres planètes, ça peut varier, tu sais. Probablement que, là, tu sais, je m'avance sur des terrains que je connais pas, là. Mais c'est possible que sur d'autres planètes, c'est l'insémination artificielle, on se préoccupe plus du sexe de l'enfant, puis de ci, puis de ça. Il n'y a plus d'émotion comme on peut le vivre sur notre planète. Bon. C'est une extrapolation possible. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tu as une charge émotionnelle qui est une sorte de jeu de motivation pour t'enclencher dans un projet de forme. Tu enlèves l'émotion, l'être humain, il va se suicider. Donc, si vous me demandez, faut-tu vivre nos émotions? C'est évident. Parce que si vous ne vivez pas vos émotions, vous n'êtes pas capable de vous motiver. Il faut de l'émotion pour vivre la motivation. D'ailleurs, vous enlevez le E, motion. Motivation, ça vient du mot motion. T'sais. Puis là, ben, pour les femmes, on pourrait marquer emotion. Pour les femmes, pour les hommes, ben, qu'est-ce que j'ai dit? Pour les, ouais, c'est ça, femmotion. Peu importe, mais t'sais, motion veut dire tout le temps dire mouvement. Fait que c'est sûr que dans le jeu de l'émotivité, l'entretien de l'émotion, ça engendre une volonté fictive du facteur réflexif de l'ego. L'ego, lui, tant et aussi longtemps qu'il va réfléchir sa vie en jeu, il faut la charge émotionnelle pour le mettre en mouvement. Parce que si à l'origine, la vibration est l'élément qui est pur, là, tu sais, dans le sens qui n'est pas coloré, qui n'est pas conditionné, qui n'est pas pris par des systèmes de valeurs, il reste que quand ça atterrit dans un mental qui n'est pas parfaitement coordonné, il faut des palliatifs. Les palliatifs étant, dans la vie d'un être humain, les liens qu'il y a avec l'astral, avec des êtres qui sont morts, donc des entités. Fait que les entités prennent un peu comme la charge de vos incapacités sur la planète de pouvoir vous actualiser. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un gars comme exemple Benoît, ici, qui est à ma gauche, va vivre à un moment donné un plafond au niveau de son travail, sa créativité. Son père meurt, il laisse un héritage, puis son père pilote son mental à travers une volonté de faire quelque chose avec un cash X. Fait que c'est comme il a un contrat avec son père, puis il y a une façon de penser qui va avec le père, parce que le qu'est-ce que tu sors de la banque, puis comment tu le gères, ça va avec l'esprit du mort, et puis ton esprit. Vous me suivez un petit peu? Bon. Ça veut dire que dans vos rapports avec la vie, vous avez un pilotage, des fois, qui n'est pas rationnel, qui vient d'une influence astrale, avant que vous ayez votre influence de votre propre source, qui est votre contact, qui, lui, n'a pas besoin ou n'a plus besoin de l'influence du monde de la mort. Donc, tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas parfaitement reconstitué, donc parfaitement cohérent, donc parfaitement apte à lire l'origine de qu'est-ce qu'un mouvement vous fait faire, tant que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous pousse à être de telle ou telle façon, vous n'êtes pas encore parfaitement cohérent. Vous avez une lecture de vous-même qui est fondée sur des systèmes de valeurs et non pas fondée sur une vibration qui pourrait vous emmener bien au-delà des systèmes de valeurs. Mais tant qu'il y a encore du système de valeurs, vous avez dans les systèmes de valeurs des entités qui se véhiculent là-dedans, qui sont morts, mais qui se nourrissent aussi de votre lumière, qui avancent ou qui se développent. Fait que je prends un exemple. Benoît, son père n'a pas fini de comprendre quelque chose avec le cash, avec l'argent, avec la spéculation ou quoi que ce soit. Benoît va devenir le vecteur de son développement sur les plans. Lui, en étant capable de vivre dans un corps humain, il est plus cohérent dans une action que l'autre qui est mort, qui ne peut plus rien faire parce qu'il n'y a plus de corps pour se mettre en mouvement d'actualisation. Pas en mouvement de volonté, mais en mouvement d'actualiser. Fait que il insuffle une façon de faire que l'autre va actualiser, mais ça va être un mariage entre ce que Benoît découvre, que l'autre ne sait pas, puis ce que l'autre sait, qui veut que ça continue de se développer. Vous me suivez? Bon, je prends lui comme exemple, mais je pourrais prendre plein de personnes aussi qui ont des contrats. Finalement, tout le monde a une forme de contrat avec les plans. Puis, moi, dans mon cas, mon travail, si je le soutiens, c'est parce que Bernard me soutient. Tu sais, ben, je continue son travail, je continue pas mon travail, je suis astrologue, moi, là. J'ai arrêté d'astrologifier ma vie. Fait que si j'ai arrêté l'astrologie, puis je fais un travail qui n'est pas celui de mon origine étant du décodage, ces choses du genre, ben, ça veut dire que je continue le travail de quelqu'un qui voulait l'amener plus loin. Fait que je suis normalement en syntonie avec cet aspect-là, là. Vous me suivez? Fait que l'affaire des entités dans la vie, c'est pas tout mauvais, mais il faut bien comprendre que on est aussi influencé qu'on n'est pas cohérent avec notre source. Si vous êtes cohérent avec votre source, vous avez inévitablement une capacité de vous placer en solo. Vous êtes tout seul à faire les choses. Mais t'es pas tout seul tant et aussi longtemps que tu connais pas la lecture parfaite des plans. Vous me suivez? Fait que si vous pensez humainement que vous êtes seul, dites-vous bien que vous avez des pensées, puis si vous ne connaissez pas l'origine de la pensée, ces pensées-là, il y a des grosses chances que ça vienne d'influence à la fois de l'esprit, votre esprit, et l'influence d'une entité qui, elle, cherche à conditionner votre mouvement vers un certain registre de développement que vous, ça va vous développer, mais ça va le développer, elle ou lui, ou les entités, parce qu'il y en a qu'avec la drogue, ils en ont 5-6 à s'occuper, là, tu sais. Donc, les émotions sont les portes d'entrée de l'astral. Pas d'émotion, vous coupez tout lien avec l'astral. Vous me suivez? La forme la plus subtile de l'émotion, c'est la croyance. Quand vous pouvez être croyant au point d'être fanatique, fait que si vous êtes rendu fanatique, là vous êtes carrément piloté par un plan abstrait. Un gars qui va aller suicider là, les kamikazes arabes, là, ça, c'est des gens qui sont complètement pilotés par les plans. Puis une personne qui a une certaine contenance d'elle-même, qui dit « Hey, wow, faut que je me ressaisisse », là, bien, c'est qu'à un moment donné, pour dire « se ressaisir », c'est empêcher l'émotion d'ouvrir trop les chakras à des plans subtils, à des plans abstraits. Pour ça, pour être capable de neutraliser l'émotion, c'est-à-dire gérer ça, ce facteur de sensibilité-là qui est une ouverture au plan, faire de l'expérience. Fait qu'il y a une grosse étape de votre vie qui va comment je dirais ça, être du renforcement de votre lecture par le biais de l'expérience. Vous allez vivre des expériences, vous ne savez pas toujours pourquoi vous vivez quelque chose. Mais à un moment donné, ben, avec l'expérience, vous allez pouvoir en arriver à faire, comme j'ai fait longtemps, du décodage. Vous dites, oups, si je fais ça, ça donne ça. Si je fais ça, ça donne ça. Vous allez étudier à l'école, vous allez faire toutes sortes de choses qui vous permettent d'aller chercher une expérience qui soit très rationnelle, soit très émotionnelle, soit très abstraite, soit très concrète, peu importe. Puis vous allez développer une force là-dedans, sur laquelle cette force-là va vous permettre à fermer des portes pour la charge émotionnelle. La souffrance la plus grande au niveau mental, c'est l'absence. Quand tu vis de l'absence, c'est l'enfer. T'sais. Tu peux détruire un enfant par l'absence, tu peux détruire une conversation, un couple par l'absence. Moi, quand je veux rebâtir quelqu'un, je lui donne de la présence, qui est l'inverse de l'absence. Ben, je prends n'importe qui est dans une grosse phase de capotage aigu, puis je lui donne beaucoup de présence, puis d'écoute, qui voit beaucoup de présence, puis je ne m'ostine pas avec ce qu'il vit, puis avec ce qu'il affirme, puis tu sais, ta-ta-ta-ta-ta. Puis je rebâtis quelqu'un, ça me prend gros. Pour l'école, il est plus difficile 3 ans. Puis pour une personne normale, 6 mois. Pourquoi? Parce que l'absence, c'est ce qui désorganise le plus le rapport avec ta source, puis qui te met le plus émotif, donc le plus ouvert aux entités. Puis les entités, eux autres, qui n'ont pas vraiment d'émotion pour l'humain. C'est du bétail, tu sais, dans le sens qu'ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent prendre d'un être humain, tu sais, au niveau de la lumière, au niveau de du faire vivre de l'expérience, ces choses-là. Vous devenez des pantins entre les humains. Tu sais, si vous n'avez pas, dans votre expérience, une capacité de remettre un blocage, pas un blocage, mais une limite, là, tu sais, dire « wow, c'est assez ». Donc, c'est sûr que si vous avez, exemple, des blocages émotifs dans votre vie, puis que ça limite votre volonté de vous activer, c'est sûr que c'est parce qu'à la base, votre vibration originale, elle est soumise à un système de valeurs ou elle est soumise à un conditionnement qui crée de la diffraction sur la fameuse vibration. Donc, vous n'êtes plus parfaitement en contrôle de vos moyens. Bon, le blocage, c'est sûr qu'il faut que ça soit une expérience. Votre cohérence dans l'expérience, elle dépend d'une seule chose, la peur. Vous avez peur, ça y est, vous êtes cassé en petits morceaux, ça va peut-être prendre 15, 20, 30 ans, peut-être une vie si ça vous rebâtit, puis peut-être même 2, 3 vies, parce que ça dépend de la nature de l'expérience. Mais retenez toujours une chose, c'est que si dans l'expérience, vous êtes la charge émotionnelle prend le dessus sur votre mental, c'est très long à récupérer de ce type d'expérience-là. Mais si l'expérience n'est pas lue émotionnellement, mais lue comme un avertissement dans votre vie de faire attention à quelque chose, là, à partir de là, il n'y aura pas de blocage, puis votre volonté va simplement se renforcer. C'est-à-dire que vous allez avoir une meilleure contenance devant les ondes de crise. Quand est-ce qu'une personne est plus forte? Quand elle comprend ou quand elle fait face? Si elle fait face, ça veut dire que dans sa lecture, elle lit pas l'avenir ou elle lit pas le mouvement de la vie comme étant un obstacle définitif. Elle lit l'événement de l'avenir comme étant un obstacle pour y forger le caractère, pour faire face. Faire face, ça veut dire toujours affronter avec une lecture gagnante, une lecture qui te crée un avantage après avoir passé par-dessus les situations de tension. Mais dans votre vie, c'est un petit peu la même affaire. C'est qu'à un moment donné, il vous arrive des blocages, des tensions, des obstacles. Puis tout est fait pour vraiment vous mettre à terre. Moi, je dis comme un de mes chums qui est médecin, il dit, Anne, c'est incroyable, il faut 80 ans pour détruire un corps humain. Puis c'est quelque chose quand même. C'est 80 ans, c'est du temps là, pour défaire un corps humain, le rendre malade, le briser, le ci, le ça. Imagine-toi, si on n'aurait pas d'obstacle, comment on pourrait vivre vieux, tu sais? C'est sûr qu'une personne qui se soumet au blocage va vivre plus jeune, va mourir plus jeune, tu sais, dans le sens que son temps de vie va être limité, parce que le blocage étant une restriction qui... comment je dirais ça, qui est pas de toi, c'est pas toi qui crée le blocage. C'est une pensée qui t'a rentré dans le corps comme un virus, puis le virus a réussi à t'atteindre au point de penser que c'est de ta faute. Si vous saviez, là, mon travail, là, c'est 80% à défaire de la culpabilité. Je passe mon temps à défaire de la culpabilité. Du monde vivre des expériences... incroyable, Puis, tu sais, ils pensent en jeu, hein. Fait que le jeu, ça les ramène à dire c'est de ma faute. C'est de ma faute si telle affaire est arrivée. C'est juste pour vous dire que j'ai jamais accepté le blocage comme étant de ma faute. Ben, je me suis développé une force de caractère épouvantable. Comprenez-vous ce que je veux dire? Sans ça, tu dis, ah, c'est ça, ils m'ont donné une étiquette, c'est de ma faute. Hein, oui, c'est ça. Il m'a donné une étiquette, puis là, la prochaine fois, je vais essayer de ne pas passer là pour me faire pogner une étiquette. T'sais. Mais vous vous faites bâtir par l'extérieur un « tu n'as pas le droit de ». Moi, je ne suis pas capable de vivre avec « tu n'as pas le droit de ». Le « pas le droit », là, c'est quand je ne suis plus capable de contenir, là je n'ai plus le droit. Là. Le « plus le droit », là, c'est quand la banque elle me dit « non, tu ne peux pas t'acheter ça, là, tu ne passes pas dans nos normes ». Puis pour moi, c'est pas moi qui a peur, c'est eux autres. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mm-hmm. Fait que, tant et aussi longtemps que vous vibrez quelque chose, puis que vous êtes capable d'aller dans le sens de la vibration, laissez-vous pas empiceter par des idées. Vos idées, c'est pas vos idées. L'idée d'une entité, l'idée de quelqu'un d'autre, tu sais. Moi, je suis dans un couple, là, puis je fous le bordel quand il y en a un qui cherche à imposer ses idées. Tu sais. Fait que n'importe qui. Si les deux dans le couple cherchent à s'imposer des idées, je me bats contre les deux en même temps pour qu'ils lâchent le pompon de l'autre au niveau des idées. Parce que les idées viennent d'où? Hein? Ils viennent d'où, les fameuses idées? Non, ben oui, c'est sûr, ça vient d'une vibration. Mais je dis, ton idée, souvent, là, quand il y a une diffraction, c'est un conditionnement. C'est un conditionnement. Fait que si vous avez un conditionnement qui cherche à conditionner l'autre a déjà assez de sa vie à se battre, sans avoir en plus vos propres conditionnements, tout bonne limite. Mais les gens, des fois, ils disent, es-tu contre le couple? Je dis, non, je ne suis pas contre le couple. Mais je dis, partez du principe qu'un couple, avant que ça soit harmonieux, là, ça prend bien du travail de dépollution de la façon de penser. C'est le problème qu'il y a beaucoup de diffractions sur la planète. Il y a beaucoup de lectures où les gens sont entêtés dans leur lecture parce qu'ils pensent avoir raison. C'est pas le problème du monde. Le monde sont toutes fins. On est des milliards de gens super gentils. Mais à cause de la diffraction puis des jeux de l'astral, ces plans, on est le G.I. Joe. T'sais, ils nous manipulent pour qu'on se pogne ensemble. Fait que c'est à nous autres d'être assez smart, en quelque part, dans les futures centaines et milliers d'années, de défaire la manipulation des plans sur notre mental pour qu'on puisse arriver à avoir un zéro émotion, un maximum d'expérience, puis une capacité d'éliminer tous les blocages pour avoir une contenance, donc une volonté éventuellement, on va dématérialiser, on va penser à quelque chose, clic, ça va nous apparaître ou disparaître selon la volonté. Pourquoi? Parce qu'on va connaître tous les jeux de l'atome, les jeux de la fréquence, les jeux de la vibration. Mais on connaît pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est pas assez évolué, qui évolue à travers nous autres, puis qui nous impose l'imitation. Tu sais, quand t'es mort, c'est pas tout, Chris. D'ailleurs, pour ça, tu te réincarnes. Fait que tu veux essayer de piloter un autre corps ou un autre mental humain pour ton propre développement, au déficit ou au désavantage de celui qui est vivant. Hein? Vous me suivez? Mais c'est à celui qui est vivant d'être assez wise pour ne pas se faire enfirouaper, là, de ne pas se faire manipuler le mental pour avoir finalement un certain contrôle de sa vie. Le contrôle de sa vie étant le contrôle d'une lecture de ce que c'est la vibration à l'origine. Là, une fois que ta vibration est réellement bien tournée, asseyez-vous les entités, là. On va vous faire une petite conférence à soir. Vous êtes seul dans votre chose, allez-vous parler tout seul? Bien, pour le monde de l'extérieur qui vous regarde dans vite ou les voisins qui vous regardent avec des lunettes, ils vont dire, hey, il est malade, lui, là. Il parle tout seul dans sa chambre. Mais on parle dans 200 ans, là, tu sais. Mais au moins, vous allez avoir une mise en vibration qui va être claire. Bon, fait que là, j'ai expliqué la base. La cohérence, maintenant, c'est quoi? C'est quoi quelqu'un qui perd cohérence, qui perd sa cohérence? C'est un individu qui, fondamentalement, est en conflit entre vibrer quelque chose et être influencé par quelque chose. Si tu vibres quelque chose, tu es cohérent. Parce que tu as à faire ce que tu vibres. Fait que tu as un mouvement vers quelque chose. Toujours un problème de lecture. Tu vibres quelque chose, puis non. Il faut toujours que tu ailles d'en face, c'est pas possible. La police veut pas. Tu es toujours exposé à un blocage. C'est là que vous perdez votre cohérence. Parce que si vous n'êtes pas capable, c'est jamais de votre faute. Jamais. C'est toujours la faute à une influence. Vous me suivez? Là, tu vas dire, qu'est-ce que tu fais de la prudence, là, ça? Écoute, je comprends. Mais si tu es cohérent, il ne t'arrivera jamais rien. Si tu n'es pas cohérent, si j'ai une bonne lecture de l'événement, j'ai aussi une bonne lecture des conséquences. Vous me suivez? Fait que si j'ai une bonne lecture des conséquences, j'ai aussi la lecture de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour éviter la conséquence d'un manque de cohérence. Vous me suivez? Parce que si vous ne savez pas cohérent, vous savez qu'il y a une conséquence à ne pas être cohérent. Puis ça, ce n'est pas une affaire de statistique de Statistique Canada, là. C'est vous autres qui le sentez que ce n'est pas cohérent. Bon, je pense à une femme qui est en amour, à quelque part dans son affaire d'être en amour, il y a une zone là, qu'elle sait que ce n'est pas cohérent. Là. Elle est en train de se perdre. Là. Au même titre que le gars, il travaille trop, là, il se met en danger, là, il va faire un burn-out, il va avoir des conditions qui n'auront pas d'allure au niveau financier, ces choses-là. Quand tu commences à perdre ta cohérence, il y a un senti qui vient avec ça. Tu sais? Tu t'astines avec quelqu'un puis tu vois bien qu'il a raison. Là. Si tu veux garder ta cohérence, ferme ta gueule, dis oui, tu as raison, puis va-t'en. Parce que tu n'es pas équipé pour argumenter avec X personnes. Vous me suivez? Fait que quand vous avez une lecture d'une perte de cohérence, vous avez une lecture d'une zone d'influence qui ne convient pas avec votre état actuel. Ce n'est pas une affaire d'avoir des idées, ça. Là. Une perte de cohérence, c'est un senti. Lui, il se fait ramasser une lame de chainsaw dans le visage, là. Il l'a dit lui-même, j'étais endormi cette journée-là, là, tu sais. Mais se faire couper la tête en deux, on n'aura pas deux Gilles, là. On va être un Gilles négatif, c'est-à-dire moins un. Ça ne sera pas un plus deux. Vous me suivez? Fait que ça veut dire que, hey, wow, il y a un avertissement. Puis il y a plein de monde que c'est tout arrivé, là, on se comptait ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Fuck, il y en a une qui a fait bip de son gars parce qu'il a mangé des affaires aux peanuts, puis il est allergique à ça, puis papapapa. C'est une perte de focus, ça. Si vous avez une perte de focus, vous avez une perte de cohérence. Puis si vous avez une perte de cohérence, il y a des conséquences. Mais si tu es capable de lire que tu ne te sens pas bien ou que tu n'es pas cohérent, tu as aussi une lecture avec ça qui vient de la de perte de cohérence égale conséquence X. Puis c'est pas nécessairement à ton avantage, ça va de soi. Tu es cohérent, n'importe quoi que tu fais d'une façon avec un senti cohérent, même si c'est pas logique. Ça va passer. Ça, c'est le corollaire qui va avec. Là. Vous sentez quelque chose, c'est pas logique, mais vous êtes cohérent, la vibration est très forte. C'est comme lui, l'année passée, il roulait avec un deux cylindres, une moto deux cylindres. Là, cette année, il embarquait avec un quatre cylindres qui lève au gaz. Puis, en se gardant cohérent dans toutes ses manœuvres, dans toute sa progression, il n'y a pas de danger. Mais il s'agit qu'une journée, il embarque là-dessus, puis il s'est engueulé avec sa femme ou quoi que ce soit, là, puis là, il est en danger. Pas parce qu'il ne conduit pas bien la moto, parce qu'il n'est plus cohérent. Dès que tu n'es plus cohérent, tu es en danger. Vous me suivez? Bon. Maintenant, j'ai marqué le sujet comme développer de la cohérence. Ça sous-tend évidemment qu'il y a certaines choses qui vous permettent de conserver une cohérence et conséquemment de la développer en conservant des atouts de cohérence. C'est-à-dire que si tu es cohérent, tu peux être de plus en plus cohérent, mais si tu perds la cohérence, le mieux que tu peux faire, c'est de retrouver ta cohérence. Vous me suivez? Bon. Je vais vous prendre l'exemple boursier. Tu disposes d'un capital de 5 000 $. 5 000 $, c'est la matière qui te permet d'agir. Donc, tu as une ressource qui te permet de poser des actes dans le marché. Si tu vas à 500 $, tu diminues ta capacité d'agir, mais tu as encore une capacité d'agir. Si tu augmentes à 50 000, tu augmentes ta capacité d'agir, tu augmentes ta capacité de poser des actes. Puis, dans tous les exemples de capitaux, ce qui vous rend cohérent, c'est votre centre décisionnel. Ce n'est pas le montant que vous avez. Une capacité de faire les choses, ce n'est pas de la cohérence. Ce n'est pas que vous ayez 1 000 000 ou 100 000 ou 10 000 qui fait que vous êtes cohérent. C'est comment vous posez les actes. Une décision qui pousse à une perte, si ta perte fait perdre 1 000, puis c'est beaucoup, puis l'autre, il y a 1 000 000, puis il perd 1 000, puis c'est pas beaucoup, c'est sûr que l'impact de la perte de cohérence n'est pas pareil d'une personne à l'autre. Vous me suivez? Mais si vous rétablissez la proportion de la décision, il y en a un, il paye 1 000, ça donne un bon coup, il vient de perdre 20 % de son capital, puis l'autre, il a 1 million, puis il paye 20 % de son capital, ils sont frappés pareil. Donc, de la cohérence, ce n'est pas en fonction de vos moyens. La cohérence est en fonction de la décision, donc de la contenance. Vous posez des actes dans quelque chose que vous ne contenez pas, vous êtes inévitablement exposé à une perte de cohérence. J'expliquais à des gens avec qui je fais de la bourse, j'ai dit, on a trois choses à étudier quand on fait du marché. On a la piste, on a le système qui est l'équivalent d'une Formule 1, puis on a le pilote, qui est le centre décisionnel. La piste puis la Formule 1 ne peut rien faire sans le pilote. Le pilote seul, pas de Formule 1, est capable d'étudier la piste. Le pilote seul, pas de piste, juste avec la machine, est encore capable d'étudier la machine. Donc, le seul élément dans les trois ingrédients que j'ai donnés, la piste, la voiture, le système puis la voiture, là, et le pilote, le seul élément qui est capable d'évoluer et de faire évoluer, c'est le pilote. Vous me suivez? Donc, c'est le seul élément qui a un pouvoir réel décisionnel. Les autres, c'est simplement des ressources. La piste, c'est une ressource. La Formule 1, le véhicule, c'est une ressource. Donc, si on transfère ça à la bourse, c'est le système. Avec le système, le marché et le trader. Le trader, c'est l'élément le plus important. Donc, une personne tourne son mental dans ce qui vibre. Il se développe une bonne lecture de son système et du marché. Et il rend tous les ingrédients cohérents, c'est-à-dire sa façon de faire avec le marché et le système. Et à partir de là, il est assuré d'avoir des résultats. Bon. Là, à ce stade, je vais vous faire voir où est-ce qu'ils sont les zones d'incohérence. La personne se fie strictement sur sa connaissance du marché. On appelle ça des fondamentalistes. Ça ne garantit absolument pas de conduire bien son véhicule. Parce qu'il peut avoir suffisamment de sources d'impression dans l'information qui peuvent le faire dévier d'une parfaite connaissance de lui-même. C'est pas parce que tu connais bien le marché que si tu te connais bien toi-même. Donc, tu peux t'en aller dans un mouvement, une décision qui va au-delà de tes capacités de contenir le mouvement. Exemple, tu rentres dans un marché parce que tu penses avoir une bonne nouvelle. Puis la bonne nouvelle, avant d'être une bonne nouvelle, est une mauvaise nouvelle pendant 2 minutes. Toi, tu n'es pas apte à supporter la pression d'une contrariété. Tu sors du marché et là, la nouvelle, dans l'effet qu'elle est supposée donner, que tu pensais qu'elle était pour donner, effectivement, sur place, mais tu es déjà sorti. Ce n'est pas le problème, le marché. Le problème, c'est le pilote. Tu as un bon système, mais il n'y a pas un système parfait. Il y a des systèmes qui donnent des résultats très impressionnants, mais dans n'importe quel système, il y a des zones de faiblesse. Tu es un bon trader, tu comprends ton système, tu comprends le marché, tu es capable de supporter les zones de renversement qu'il peut avoir dans ton système. Parce que tu as de la contenance, tu as de la continuité, puis tu as une certitude que tu as une bonne lecture du marché et une bonne lecture de ton véhicule. Tu es correct. Tu n'as pas l'aptitude de supporter la pression G qu'il y a dans Formule 1, qui est l'équivalent dans un marché d'un drawdown. Tu n'es pas capable de prendre le drawdown, tu n'es pas un bon pilote, va-t'en à l'info mutuel. OK? Vous me suivez? Dans la vie, tout ce que vous pouvez faire que l'émotion peut rentrer, c'est évident que ça affaiblit vos capacités. Puis, vous êtes obligé d'aller chercher de l'expérience, justement, pour neutraliser la charge émotionnelle que vous avez. Que vous soyez capable de vous cacher de votre environnement sur les émotions que vous avez, ça n'établira jamais que vous n'avez pas d'émotion. C'est pas parce que les gens n'en voient pas qu'il n'y en a pas. Moi, j'en ai des émotions. Quand je perds un chat que j'aime bien gros, je le broye au moins 3 jours minimum. Là, tu vas dire, mais non, comment ça fait qu'il broye pour un chat? C'est pour le broyer pour sa femme ou n'importe quoi. Mais non, il broye pour un chat. Moi, ça m'atteint plus un chat qu'une femme. OK? Pas normal. C'est pas une affaire de normalité, c'est une affaire de proximité. Un chat, c'est inconditionnel. Une femme, c'est conditionnel. C'était pas assez riche, c'était ci, c'était ça. Tandis que le chat, lui, peu importe s'il mange sa canne, puis il va à litière régulier, puis qu'il y a de la flatouille, et que, pas compliqué. Fait que ma charge émotionnelle est dans ces comportements-là, pas au niveau de l'animal, au niveau de ce qui dégage le non-conditionnel. Fait que l'évolution d'un être, c'est une évolution qui est aussi complexe qui est émotif, qui est aussi simple qui est mentale. Plus vous êtes mental, plus vous êtes proche de la vibration, puis plus vous êtes émotif, plus vous êtes proche d'une grande complexité dans vos comportements. Donc, la perte de cohérence est liée à une sorte de dilatation de votre canal qui n'est plus capable de prendre X énergie que vous étiez habitué à prendre peut-être la semaine avant, Puis là, cette semaine, vous n'avez plus cette capacité de contenance-là. Puis là, la charge, la turbulence émotionnelle là, commence à vous rentrer dedans. Il y a évidemment des entités qui se chargent de vous charger le dos down assez facile. Là, vous commencez à vivre des blocages. Je suis pas capable. Hey, je suis pas capable. Enlève le jeu, là. C'est pas capable. Tu sais, plutôt que de dire je suis pas capable, tu dis c'est pas capable. C'est pas capable, ça, c'est juste une ressource qui fait que tu perds ta cohérence, tu as besoin de repos, tu as besoin de manger, tu as besoin d'affection, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Il faut que vous gardiez votre environnement comme un supermarché qui peut vous donner ou pas donner certaines choses. OK? Fait qu'il y a des choses qu'on peut te donner parce qu'il y a un échange X, puis il y a d'autres choses qu'on ne peut pas te donner parce qu'il n'y a pas d'échange. Donc, si une personne dit « j'ai pas de volonté », ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est qu'elle n'a pas de contenance. Développe ta contenance, les résultats vont venir avec. Puis qu'est-ce que c'est de la contenance? La contenance, c'est une capacité de travailler avec tout ce qu'il y a de toi, et non pas de dire, tu sais, moi j'entends des fois parler, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je dis, sais-tu, tu devrais mourir, toi, là, parce que tu manques tellement d'affaires que tu n'as pas de raison de vivre sur la planète. Ah ben non, j'ai ça. Bon, là, c'est d'un bon langage. Parle-moi de ce que tu as, puis on va travailler avec ce que tu as. Mais parle-moi pas de ce que tu n'as pas, parce que ce que tu n'as pas, moi, je ne peux pas travailler avec ça. Ce que tu as, c'est ça. Puis, en plus, tu es capable d'avoir ton petit 60$, venez me voir pour que je puisse orchestrer ça. Fait qu'on orchestre ce que tu as pour que tu puisses faire quelque chose avec ce que tu vibres. Tu vibres-tu? J'ai peur. Ah, c'est pas de la vibration, ça, là. Ça, c'est de la diffraction. Parle-moi de ce que tu vibres, que tu n'as pas peur. Ben, j'ai peur de pas mal d'affaires. Toujours rien à faire avec toi, parce que si tu me parles juste de ce que tu as peur, je ne sais pas sur quoi tu vibres. Moi, il faut que je travaille avec ce qui vibre. Ce qui vibre, ça va être à l'origine de tes pensées, puis de qu'est-ce qu'on peut dire, tu veux faire quelque chose. Donc, les gens qui perdent la cohérence, ils font quoi? Ils s'alimentent de peur, ils s'alimentent de passé, ils s'alimentent de réflexion, puis ils prennent pour acquis que toutes leurs pensées, c'est leurs pensées. Le monde sont tellement amoureux de leurs pensées. Ils aiment le passé. Ah, oh, juge.